إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans notre cours l'explication du شرح عقيدة أهل السنة والجماعة de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى. On est arrivé au cours 21 aujourd'hui et on termine l'explication des versets, des derniers versets de Sourate Al-Hashr, les versets 22, 23 et 24 dans Sourate Al-Hashr, dans lequel il y a une énumération de plusieurs d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets en question, en particulier le verset 24 qu'on a terminé d'expliquer hier, terminent par deux d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Al-Aziz, Al-Aziz al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-Aziz al-Hakim. On a déjà expliqué Al-Aziz, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, on va passer maintenant à l'explication de Al-Hakim. Et donc, le Cheikh dit qawluhu wa huwa al-Aziz al-Hakim sabaqa ma'na al-Aziz. Amma al-Hakim famadatuha ha kaf mim. وهذه المادة تدل على معنيين: حكم وإحكام. فالإحكام يعني الإتقان، بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما فينزل منزلته. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الإتقان. Donc le Cheikh il explique que Al-Hakim, la racine de ce mot-là, c'est Ha, Kaf, Mim, les trois lettres. Ha, Kaf, Mim. Et il dit que cette racine ou cette base, elle vient avec deux significations. Dans la langue arabe, la signification de Hukum et de Ihkam. Hukum, ça veut dire le jugement, et Ihkam, ça veut dire yani la maîtrise et le fait de bien faire les choses, de faire les choses avec sagesse. Ok. Et donc le cheikh il explique, il dit al-ihkam ça veut dire al-itqan. En arabe, al-itqan ça veut dire que tu fais quelque chose et que tu maîtrises cette chose. Tu sais, tu l'as fait avec perfection. Tu l'as fait de la meilleure façon. Itqan. Et il dit également que tu le fais avec sagesse. La chose que tu fais, elle correspond parfaitement à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est que tu fais quelque chose, tu ne fais pas quelque chose pour rien, ou sans sagesse, sans raison. Tu le fais pour une raison qui est bonne, quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est sage. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose ou fait descendre quelque chose, eh bien, il le fait descendre avec sagesse. Et il juge avec sagesse. Et tout ce qu'il fait est rempli de sagesse. Et donc, on comprend maintenant que le nom Al-Hakim, il découle, il est tiré de Al-Hukum et de Al-Ihkam. Al-Hukum, c'est le jugement, et Al-Ihkam, c'est la perfection, la façon de faire les choses et de les faire avec sagesse. Le Cheikh, il dit ensuite, wa hukmullahi jalla wa ala yakunu kawniyan wa shar'iyan. ففي قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا شرعي و وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا أيضا شرعي في قول الله تبارك وتعالى وفي قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فهذا كوني لأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي أي لم يمنعه أن يبرح الأرض فإذا كان لم يمنعه فقد أذن له شرعا فبقي الحكم الكوني وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم كوني وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين هذا كوني وشرعي فهو حاكم كونا وحاكم شرعا. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le jugement d'Allah, il peut être de deux formes. Il peut être de deux catégories. Son jugement peut être kawni, il peut être shar'i. Kawni, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un jugement qui s'applique dans la création et dans la prédestination. Et shar'i, ça veut dire que c'est un jugement qui est connu par la révélation. D'accord? Donc on peut comprendre la différence entre les deux par certains exemples que le cheikh il a donné. Mais juste pour élaborer un peu plus, c'est que kaunan ou kauniyan, ça veut dire dans la création d'Allah. Qu'est-ce que Allah a créé et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait les choses qu'il fait se produire et arriver dans la création. Et donc quand on dit que quelque chose un jugement est kauni, ça veut dire que c'est un jugement qui s'établit dans ce que Allah a créé, dans ce qu'il a prédestiné, qui peut être en accord avec ce que Allah aime ou ne pas être en accord avec ce que Allah aime. D'accord? Donc tout ce qui se produit dans l'univers, c'est Allah qui l'a jugé, c'est Allah qui l'a voulu, hein? C'est Allah qui l'a prédestiné, c'est Allah qui l'a jugé et qui l'a décrété. Ça peut être quelque chose qui est en accord avec ce qu'il aime et ça peut être contraire à ce qu'il aime aussi, parce que c'est lui qui décide selon sa sagesse qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Et Allah a voulu que certaines choses se produisent, qui soient parfois en contradiction avec ce qu'il aime, pour une sagesse, pour tester les hommes. Hein? Donc parfois il y a des choses qui se passent qui sont mauvaises, ces choses-là qui se produisent, elles sont mauvaises d'un point de vue, mais elles sont bonnes d'un autre point de vue puisque dans la sagesse d'Allah ces choses-là sont bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala dans son plan, hein, il sait que cette chose-là va amener à la fin à quelque chose de bon. Tandis que son jugement qui est relié à la sharia, qu'est-ce qui est shar'an, eh bien ça c'est uniquement ce que Allah aime. Le jugement d'Allah dans la révélation, c'est uniquement relié à ce que Allah aime. Et c'est ce qu'on connaît par l'intermédiaire de sa révélation, qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers et à ses prophètes, dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, il explique des exemples de ça dans le Coran, des versets qui mentionnent le jugement d'Allah. Et parfois, c'est un jugement relié à la révélation, et parfois, c'est un jugement dans la création. Et on va voir la différence entre les deux. Il dit, premièrement, le verset 50 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. C'est-à-dire, est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'ils recherchent, hein? Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'ils recherchent et qu'ils veulent? Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui est convaincu? Donc, personne n'est meilleur que Allah en jugement. Et ça, ici, on parle du jugement dans la charia. On parle du jugement dans la charia. Un autre exemple qu'il a cité, c'est le verset 10 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. Hein, voici pour vous le jugement d'Allah. Il juge entre vous. Il juge entre vous par ce qu'il a révélé dans sa révélation et dans sa législation. Un autre exemple de ce qu'il a cité, c'est le verset 80 dans Sourate Yusuf. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite un exemple d'une parole, qu'est-ce que Yusuf alayhi salam a dit. Et comme on a dit, c'est le verset 80. Le verset 80. On va lire la traduction de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset en question. Ben le cheikh, il ne cite pas le verset au complet, il cite seulement la fin du verset. Hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur et il est le meilleur des juges. Donc, le cheikh dit que ça, c'est un jugement qui est relié à la création et à la prédestination, puisque ce n'est pas Allah qui lui a légalement ou qui lui a religieusement interdit de sortir. C'est-à-dire, Allah, dans sa révélation, ne lui a pas interdit de partir ou de sortir. Mais c'est lui qui a refusé d'y aller. Et donc, étant donné qu'il n'a pas été interdit de le faire par une révélation divine, donc ce jugement-là, c'est un jugement relié à la création et à la prédestination et non pas à la religion. Et donc, lorsqu'il dit « Aw yahkum Allahu li » ou « Que Allah juge en ma faveur », ça aussi c'est un jugement dans la création et dans la prédestination. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8 dans sourate At-Tin, « Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin » n'est-ce pas qu'Allah est le meilleur des juges, le plus juste des juges, eh bien le cheikh il dit que ça c'est les deux en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le meilleur des juges dans la création et dans ce qu'il crée, dans ce qu'il a prédestiné et dans ce qu'il a révélé en même temps aussi. Donc yani c'est le meilleur juge kaunan wa shar'an. Et donc le cheikh il dit il est un juge par le fait qu'il juge dans la création, dans ce qui se produit dans la création et ce qu'il a prédestiné et ce qu'il a décrété et également dans la législation, dans la révélation qu'il a révélée à ses messagers. Ensuite le cheikh il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِي وَالْحُكْمِ الْكَوْنِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِي وَالْحُكْمِ الْكَوْنِي قلنا الحكم الشرعي ما أمر الله تعالى به العباد أو نهاهم عنه أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله فكل المخلوقات كل المخلوقات هذه كونية وإنزال المطر حكم كوني والصلاة حكم شرعي وإذا كان الحكم نوعين شرعيا وكونيا فكل منهما مشتمل على الحكمة صارت الأقسام أربعة حكم كوني وحكمة كونية وحكم شرعي وحكمة شرعية. Donc le cheikh il donne un exemple d'une question qui peut être posée. Il dit si quelqu'un nous demande quelle est la différence entre le jugement shar'i dans la révélation et dans la législation religieuse et al-hukm al-kawni, le jugement dans la création et dans la prédestination, c'est quoi la différence entre les deux jugements? Et le cheikh il dit le jugement dans la révélation c'est ce que Allah a ordonné à ses serviteurs ou qu'il leur a interdit dans la révélation, c'est ça le jugement religieux qui est basé sur la révélation. Tandis que le jugement dans la création, al-kawni, al-kawni, ça, c'est tout ce que Allah a créé. Tout ce que Allah a créé. Et le terme kawni, ça vient de al-kawn. Kawwana, qu'est-ce que Allah a créé en réalité, c'est ce que ça signifie. Al-kawn, yani al-makhlouqat. Donc, il dit toutes les créations font partie de qu'est-ce qui est kawni. Qu'est-ce qui fait partie de al-hukm al-kawni. Et donc il dit par exemple la pluie lorsqu'elle tombe, ça c'est un jugement dans la création, La salat, c'est un jugement dans la législation, puisque c'est quelque chose que Allah a ordonné par sa révélation. D'accord? Et il dit donc, on peut comprendre donc que le jugement est de deux catégories, shar'i et kauni, et que les deux contiennent une sagesse. Les deux jugements contiennent une sagesse. Le jugement dans la législation, dans la révélation, et le jugement dans la création, les deux possèdent une sagesse. Et le cheikh, il donne l'exemple. Il dit donc, ça veut dire qu'on peut diviser ici les choses en quatre catégories. Le jugement dans la création et la sagesse dans la création, et le jugement dans la révélation et la sagesse dans le jugement de la révélation. Donc il y a la sagesse et il y a le jugement. Ok? Il y a le jugement et il y a la sagesse dans la création, et il y a le jugement et il y a la sagesse dans la révélation. Là, le cheikh, il va expliquer la sagesse de ces deux points de vue-là, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? Il dit, وَالْحِكْمَةُ لَهَا وَجْهَانَ الْأَوَّلْ وَضْعُهَا عَلَى هَذَا الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ وَالثَّانِ الْغَايَةُ مِنْهَا فَكُلُّهُ حِكْمَةُ. Donc il dit, il y a deux points de vue, lorsqu'on parle de la sagesse, il y a deux points de vue. La première, quand on parle de la sagesse, on parle du fait que on a mis les choses à la place qui leur convient. Hein? Donc, avoir de la sagesse, ça comprend ou ça signifie le fait de mettre une chose à la place qui lui convient réellement. Hein? Ça, c'est un premier sens de qu'est-ce qu'on veut dire par la sagesse. La deuxième, c'est l'objectif et le but pour lequel on a fait la chose en question. Hein? C'est quoi le but? C'est quoi la raison? C'est quoi l'objectif? Hein? Donc, quand on dit que quelque chose est fait avec sagesse, eh bien, ça implique ces deux choses-là. Qu'on a mis la chose à l'endroit ou à la place qui lui convient réellement, et qu'on l'a fait dans un objectif, dans un but qui est sage, qui est bon. Hein? Donc, tout ça, c'est de la sagesse. Le cheikh, il dit, فَكُلُّهُ حِكْمَةً فَكَوْنُ الْإِنسَانِ وُضِعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ حِكْمَةٌ يعني لم يكن الإنسان كالفرس يمشي على يديه ورجليه وهو دائما في انحناء بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب يتكيف من انتصاب أي من انتصاب إلى ركوع إلى سجود فكونه على هذا الوجه حكمة ولا شك والغاية من ذلك أن يتمكن من الاتيان بالعبادات المتنوعة من ركوع وسجود وقيام وقعود كذلك الشرع فالتشريعات كونها وقعت على هذا الوجه فهذا حكمة فكون الصلاة على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود فهذا لا شك أنه حكمة. Donc le cheikh, il dit que, par exemple, l'être humain, le fait que Allah l'ait créé de la façon qu'il l'ait créé, hein, de la meilleure façon, hein, comme il dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme de la meilleure posture, hein, dans la meilleure posture, dans la meilleure façon. Il dit qu'il n'y a pas de doute qu'il y a une sagesse là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé l'homme comme un cheval, par exemple, qui marche sur quatre pattes, hein, qui est toujours penché. Non. Il l'a créé droit. L'être humain est créé droit. Et il est capable, malgré qu'il est créé droit, debout, il est capable de s'incliner et de se prosterner. Et il n'y a pas de doute qu'il y a dans ça une sagesse. Il dit, et le but dans ça, c'est de permettre à l'homme d'être capable d'amener et de faire différentes formes d'adoration, comme le rukou' et le sujoud, et le qiyam et le fait de s'asseoir. Hein? Le rukou' c'est l'inclinaison, le sujoud c'est la prosternation, le qiyam c'est le fait d'être debout, et le qu'ud c'est le fait d'être assis. Donc, le fait qu'il soit créé de cette façon, ça lui permet de pouvoir mettre en application ces différentes formes d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Il dit de même que dans les législations que Allah a révélées, le fait que Allah ait révélé les choses de telle ou de telle façon, il y a une sagesse là-dedans. Et le fait que, par exemple, la salat soit établie sur différents mouvements, différentes positions, il y a une sagesse. Hein, dans ta salat, tu commences, tu es debout, après tu t'inclines, tu te relèves, après tu te prosternes. Il y a dans ça une sagesse. Hein. Une sagesse, c'est quoi dans ce, quand on dit une sagesse? Quand on dit qu'il y a une sagesse dans ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un but, une raison, hein, quelque chose qui a une raison et qui a une sagesse, quelque chose qui est sage dedans. Il y a une raison, quelque chose de bénéfique là-dedans. Et le cheikh, il explique que, il dit, وكون الغاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات فهذا أيضا حكمة. Donc le fait que le but de ces différentes adorations, c'est que l'homme puisse arriver aux objectifs le plus noble des objectifs et le plus important de tous les objectifs, il y a dans ça une grande sagesse aussi. Il dit وكون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حكمة شرعية. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكان ذلك مشقة عليها لأن الصلاة تتكرر في كل يوم أما الصيام فلا يأتي في السنة إلا مرة. Donc le cheikh il dit par exemple le fait que la femme qui est menstruée, qui a ses menstruations, elle doit reprendre les jours de jeûne qu'elle a manqué, mais elle n'a pas besoin de reprendre les jours de les différentes prières qu'elle a manqué, et il y a dans ça une sagesse religieuse, hein. Il dit par exemple, si tu réfléchis sur ce sujet-là, le fait que la femme par exemple, elle reprenne, pourquoi? Parce que les Khawarij, eux, ils ordonnaient à la femme, non pas seulement de reprendre les jours de jeûne manqués, mais même de reprendre les prières manquées. Hein? Les Haruriya, hein? Les Khawarij, Al-Haruriya, ils ordonnaient à la femme même de reprendre les prières qu'elle a manquées pendant sa menstruation. Et l'exemple de ça, c'est la femme qui est venue voir Aïcha radiallahu anha. On l'a lu hier dans le tafsir de Surat al-Baqarah de Sheikh al-Fawzan. La femme est venue voir Aïcha radiallahu anha. Et elle lui a dit, oh Aïcha, pourquoi on reprend les jours de jeûne mais on reprend pas les salawat? Alors Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tout de suite, elle lui a posé la question, est-ce que tu es une haruriya? Hein? A haruriyatun anti? Et elle a répondu en disant, non, je ne suis pas une haruriya. Hein? Elle connaissait les khawarij. Elle dit, non, je ne suis pas avec les khawarij. Je ne fais pas partie de ces extrémistes, de ces égarés-là. Mais je fais juste poser la question pour comprendre, pour savoir. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a répondu par une preuve de la sunna. Elle lui a dit, nous étions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous refaisions les jours de jeûne, mais nous ne refaisions pas les salawat. C'est ça la preuve. C'est la preuve de la sunna. Que si c'était ordonné de le faire, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait ordonné pendant qu'il était vivant. Il ne nous l'a pas ordonné de le refaire, donc celui qui ordonne de le refaire les jours de les prières manquées, pendant la menstruation, cette personne, elle contredit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais, hein, on peut également, hein, comme le cheikh il l'explique, en observant et en réfléchissant sur cette distinction dans la charia, on est capable de comprendre une certaine sagesse du fait que le jeûne, c'est pas quelque chose qui se répète plusieurs fois dans une journée, hein, tu jeûnes une journée et c'est fini, tandis que la salat, elle se répète 5 fois par jour, hein. Donc il dit les jours que la femme elle manque pendant la menstruation, elle peut les reprendre dans d'autres jours facilement lorsqu'elle est pure, tandis que yani, la femme qui a manqué différentes prières, si on lui ordonnait de refaire les jours, toutes les prières manquées dans ces jours-là, eh bien ce serait quelque chose qui deviendrait très lourd pour elle et très difficile pour elle, parce que la prière se répète, on fait plusieurs prières dans la même journée, donc ça fait beaucoup, hein. Si la femme par exemple elle a par exemple 6 jours de menstruation ou 7 jours de menstruation, tu multiplies ça par 5, ça fait, il y a 35 prières qu'elle devrait refaire. Et des fois, il y a des femmes qui ont plus de jours que ça, d'autres qui ont moins. Ça dépend de la femme. Donc, il y a ce serait quelque chose comme très, très difficile pour la femme de refaire ça à chaque fois. Et donc, ça, c'est une des raisons, tu vois, pourquoi, tandis que le jeûne, elle le refait une fois par année, seulement 30 jours par année. Donc, c'est facile de reprendre quelques jours dans l'année qui sont manqués, hein, et de le refaire à un autre moment. Ça, c'est simple. Il dit, Al-Khulasa, أنه يجب أن تعلم أن الحكيم مشتق من الحكم والإتقان والإحكام. من الحكم والإحكام وأن الحكم ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي وأن الحكمة تنقسم إلى قسمين غائية وحالية أو صورية فكل هذا يتضمنه اسم الحكيم وسبق أدلة ذلك. Donc le cheikh il explique que en résumé on peut dire qu'il est obligatoire de savoir que le nom d'Allah Al-Hakim, il est tiré du mot Al-Hukm et Al-Ihkam, hein, le jugement et la sagesse, la façon de bien faire les choses. Et que Al-Hukm, le jugement, il se divise en deux catégories, le jugement qui est Kauni et le jugement qui est Shar'i. Et en ce qui concerne la sagesse, elle se divise en deux catégories, ra'iyya wa haliyya ou souriyya. Donc le cheikh dit en ce qui concerne la sagesse, elle se divise en deux catégories, comme on l'a expliqué, yani le fait de la façon comment on a placé les choses, on a mis les choses à l'endroit de la façon qui lui convient, hein, c'est ce qu'on appelle yani ra'iyya haliyya, hein, ou suwariyya, on peut l'appeler comme ça, haliyya ou suwariyya. Et l'autre c'est al-ra'iyya, c'est-à-dire l'objectif et le but. Ça c'est la deuxième signification ou la deuxième catégorie de la sagesse, c'est-à-dire l'objectif et le but derrière la chose, derrière le verdict ou le jugement. Le cheikh, hein, Souariya et Haliya, ça c'est les deux, c'est la même signification. Ra'iya c'est pour l'objectif, ça vient de Ra'iya. Ra'iya ça vient de Ra'iya, ça veut dire l'objectif et le but. Et Haliya ou Souriya, ça Haliya ça vient de Al-Hal et Souriya ça vient de Al-Sura. C'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les choses de telle façon parce que c'est de la façon qui lui convient le mieux et c'est la façon qui est le plus sage, hein, que cette chose-là soit faite de telle façon ou dans tel état ou dans telle position ou dans telle posture, ainsi de suite, comme le cheikh l'a expliqué. Et Le cheikh il dit ensuite fa'ida. Fa'ida, ça veut dire un point, quelque chose qui est bénéfique. Hein, une note bénéfique à propos de ce sujet-là. Il dit qawluka al-hikmatu ahsanu min an taqul al-illatu. Fal-hikmatu wal-illatu wahidun. Lakin minha يكون غائية وما يكون سببا فما أثار الشيء فهو سبب وما كان غاية الشيء فهو غاية فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة سورية حالية وكونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غائية. Donc le cheikh il explique que il y a deux mots qui sont employés parfois, et ces deux mots là en arabe sont des mots qui sont des synonymes, sauf que il y en a un qui est plus acceptable et plus propice que l'autre à employer lorsqu'on parle de la sagesse et de l'objectif ou du but. Le mot en question, le premier mot c'est al-hikma, on vient de le mentionner, c'est la sagesse. Mais on l'utilise dans les deux significations. La sagesse dans le sens de mettre les choses de la façon qui lui convient, de mettre quelque chose dans la façon qui est le meilleur et la meilleure chose pour, il y en a de la façon la plus correcte, la plus convenable. Hein? Ça c'est une des significations. Et l'autre, on a dit que c'était le but et la raison et l'objectif pour laquelle on a fait quelque chose ou dans la façon qu'on l'a fait. Il y en a pour dans quel but, dans quelle raison. Et il y en a aussi parfois qui disent le mot en arabe al-illa. Al-illatu. Et al-illatu et al-hikmatu, les deux, ça peut avoir la même signification, ça peut être synonyme dans le sens que al-illa, c'est la cause ou la raison. Hein? On l'utilise dans le sens de la cause ou de la raison. Hein? Il dit, sauf que c'est préférable d'utiliser al-hikmah que d'utiliser al-illah. Même si les deux peuvent avoir la même signification, c'est mieux d'utiliser le terme hikmah que le terme illah. Sauf qu'il faut savoir que le terme hikmah, il peut avoir les deux sens qu'on a mentionnés. Hein? La hikmah, elle peut avoir deux sens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans les deux sens, il y en a un qui peut être un but ou une raison, sans que ce soit nécessairement une cause. D'accord? Et ce qui a un effet sur quelque chose, ça c'est une cause. Hein? Ce qui a un effet sur quelque chose, on dit que c'est une cause. Mais ce qui est le but et l'objectif d'une chose, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-raya, le but, l'objectif. Et donc il dit par exemple le fait que l'être humain soit créé dans telle forme et de telle apparence ou de telle façon, il n'y a pas de doute que dans ça il y a une sagesse dans la forme et dans l'apparence et dans l'état. Il y a une sagesse dans ça, que l'homme soit créé et qu'il soit droit et qu'il soit debout. Il y a une sagesse là-dedans, comme on l'a mentionné, par rapport à l'adoration. Il a été créé de cette manière-là dans le but qu'il puisse établir les adorations de la manière que Allah a voulu qu'il les établisse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse dans le but et l'objectif. Un autre point ici, il dit « Mas'ala, hal ahadun minan nas nafal hikma lillahi ta'ala ?» قلنا نعم نفاها الأشاعرة يقولون ليس لله حكمة إنما يفعل الشيء لمجرد المشيئة ويشرع الشرع لمجرد المشيئة فقط فسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل لأن الإنسان كلما عرف من حكمة الله ما عرفه ازداد إيمانا بالله عز وجل وأنه جل وعلا لن يفعل شيئا إلا لحكمة ولن يشرع شيئا إلا لحكمة ليس عبثا ولا لعبا بل لا بد من حكمة. وهم يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة. ولا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. ونحن نقول بل لله حكمة بالغة، لكن أحيانا نعلمها وأحيانا تقصر عقولنا عنها لأننا قاسرون. Donc le cheikh il dit, la question, est-ce qu'il y a parmi des hommes des gens qui ont nié la sagesse à Allah? Est-ce qu'il existe parmi des gens qui ont nié que Allah a une sagesse, hein, que Allah fait les choses pour une raison? Et le cheikh il répond, il dit oui. Les Asha'ira, la secte qu'on appelle les Asha'ira, eux ils ont nié que Allah ait une sagesse dans ce qu'il fait. Ils disent Allah n'a pas de sagesse. Il fait les choses uniquement par sa volonté, parce qu'il veut, et non pas pour une raison. Il fait seulement les choses parce qu'il veut les faire, et non pas parce qu'il y a une raison, une bonne raison derrière, une sagesse derrière. Donc eux, ils nient la sagesse d'Allah, Allah al-Musta'an. Le cheikh, il dit, en agissant ainsi et en niant la sagesse, ils se sont eux-mêmes obstrués la façon de connaître Allah. Ils se sont empêchés eux-mêmes de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Parce que l'être humain, plus il connaît de la sagesse d'Allah, hein, plus qu'il a de la connaissance de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, sa foi augmente en Allah. Hein, parce qu'il va être convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans une sagesse, sans une raison. Hein, et il n'a rien légiféré, excepté qu'il l'a légiféré pour une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit lui-même dans le Coran, ce qu'il fait, il ne le fait pas abathan, il ne le fait pas la'iban. Abathan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans sagesse, sans raison. Abath. En arabe, on dit abath. Abath, quand on dit que quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, c'est abath. Ça veut dire qu'il fait quelque chose d'inutile. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est pas inutile, c'est pas en vain. Et la'iban, ça veut dire comme amusement ou jeu. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas quelque chose par jeu ou par amusement ou par divertissement, pour rien. Non. Il y a toujours une grande sagesse, une sagesse profonde dans ce qu'il fait. Hein? Et donc il doit y avoir une sagesse. Et eux, c'est-à-dire les Asha'ira, parmi les Mubtadi'a, ce sont les Mubtadi'a, Asha'ira, ils disent, hein, son action et son jugement, il le fait uniquement parce qu'il veut le faire, et non pas pour une sagesse profonde. Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que ceci est une mauvaise pensée à propos d'Allah. Hein? C'est-à-dire que eux, ils essaient de montrer que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala agit de manière aléatoire et arbitraire. Yani, il décide une chose, mais c'est pas pour une raison. Allahu al-musta'an. Et donc, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse profonde. Parfois, il se peut que nous connaissions cette sagesse. Et parfois, il se peut que nous ne soyons pas capables de connaître cette sagesse, parce que notre intelligence, notre logique, elle est restreinte, elle est limitée, parce que nous sommes nous-mêmes limités et restreints. Et le cheikh il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَاذَا يَقُولُ الْأَشَاعِرَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ قلنا الأشاعرة ليس عندهم جواب، فهناك فوق 1000 دليل على إثبات الحكمة، فما ذكر أهل العلم لكن كما ذكر أهل العلم، ولكن من لم يجعل الله له نورا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce que les Asha'ira répondent au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّظُرٌ. C'est dans Surat Al-Qamar, hein, dans le Coran. Surat Al-Qamar, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ. Ceci est une sagesse parfaite. فَمَا تُغْنِ النُّظُرٌ. Mais les avertissements ne leur servent à rien. Hein? Donc, Allah, il mentionne dans le Coran que qu'est-ce qu'il fait? C'est une sagesse parfaite. Hikmatun baligha. Donc, le cheikh, il dit, nous, on répond que ces gens-là, les Asha'ira, ils n'ont aucune réponse. Ils peuvent pas répondre à ce verset. Ils peuvent pas nier. Hein? Ils savent plus quoi répondre devant ce verset. Et il dit qu'il y a plus que 1000 preuves. 1000 preuves dans le Coran et dans la Sunna pour affirmer la sagesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les hommes de science l'ont mentionné. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans Surat An-Nur, verset 40, celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, alors il n'a pas de lumière. Il ne peut pas voir. Il peut pas voir clair parce qu'il est dans les ténèbres à cause de, hein, de son égarement. Allah al-Musta'an. Après le Cheikh il dit: ثُمَّ إِنَّ الْحِكْمَةَ أَحْيَانًا تَكُونُ وَاضِحَةً كُلٌّ يَعْرِفُهَا وَأَحْيَانًا تَكُونُ خَفِيَّةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَحِكْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. ثلاثة أقسام من حيث الظهور والخفاء. أولا تكون تارة تكون الحكمة واضحة لكل أحد، وثانية تارة تكون خفية أو خفية على كل أحد، وثالثا تارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه وخفية على من دونهم. Donc il dit que en ce qui concerne la sagesse, parfois elle est claire pour tout le monde. Tout le monde peut la connaître. Et parfois elle est cachée, elle est subtile. Seulement les hommes qui sont enracinés dans la science sont capables de la connaître et de la comprendre. Et donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne le fait qu'elle soit apparente ou cachée, elle se divise en trois catégories. La première, c'est la sagesse qui est claire pour tout le monde. Les savants et le commun des musulmans, tout le monde la comprenne. Et la voit et la comprenne facilement. Il y a d'autres sagesses qu'elle est cachée à tout le monde. Aux hommes de science et aux musulmans en général. Ils ne peuvent pas la comprendre, la sagesse. Et il y a d'autres sagesses qui sont parfois claires pour les hommes de science, qui sont fermement enracinés dans la science, mais qui sont cachées. Hein, la sagesse, cette sagesse, elle est cachée pour ceux qui ne font pas partie de ces hommes de science-là. Donc c'est quelque chose qui est relatif, dans le sens que la sagesse, c'est pas tout le monde qui est capable toujours de la comprendre. Parfois, tout le monde est capable, parfois personne ne peut la comprendre, et parfois les hommes de science peuvent la connaître, mais pas le commun des musulmans. Fa'ida, un autre point bénéfique. Le cheikh dit: Al-Ash'ariyatu nafa'u al-hikma, wal-mu'tazilatu awjabu al-hikma. Qalu la budda anna kulla ma fa'alahu Allah fa huwa al-hikma. وهؤلاء يقولون ليس لحكمة لأن لا نوجب على الله بعقولنا فيقال لهم أي للأشعرية نحن نثبت الحكمة ولكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة فالعقول لا تفرض على الله شيئا وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا ولا يشرع شيئا عبثا أو لعبا ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. Donc le cheikh dit le point bénéfique c'est quoi, c'est que les Asha'ira ils ont nié la sagesse tandis que les Mu'tazila eux ils l'ont imposé la sagesse, ils l'ont rendu obligatoire. Ils ont dit il faut absolument que ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse soit pour une sagesse. Et c'est pour ça que ceux-là ont dit, yani, c'est-à-dire les Asha'ira, ils ont dit Allah n'a pas de sagesse. Pourquoi ils ont dit qu'Allah n'a pas de sagesse? C'est pour répondre aux Mu'tazila. Donc, ils ont juste voulu opposer les Mu'tazila en disant le contraire de ce qu'ils ont dit, sans réfléchir. Et c'est ça souvent qui arrive de la part des gens qui veulent réfuter les gens de bid'a mais qui n'ont pas d'ilm. Hein? Ou qui veulent réfuter des kuffars mais qui n'ont pas d'ilm. Donc ils entendent par exemple le mubtadi' qui affirme quelque chose et eux ils pensent que la façon de le réfuter c'est de dire le contraire de lui. Hein? Ou bien le kafir quand il critique où il affirme quelque chose, où il nie quelque chose, eh bien l'ignorant, il pense que la façon de réfuter ce kafir, c'est de dire le contraire de ce qu'il dit. Et ça, c'est à cause de l'ignorance. Hein? Et je l'ai mentionné plusieurs fois, yani, comme par exemple, tu vas voir des kuffars, ils critiquent, ils disent, par exemple, vous les musulmans, vous avez le droit de marier 4 femmes. On sait que ça, oui, c'est vrai, c'est dans la charia. Mais eux, ils sont tellement susceptibles et ils sont faibles devant les kuffars, ils savent pas comment répondre. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, c'est pas vrai. Ils pensent que la façon de réfuter, qu'est-ce que les kuffars disent, que c'est de le nier. C'est ça qui les fait tomber dans une erreur plus grave encore. C'est comme par exemple, des fois, tu vois des kuffars qui disent, vous, dans l'islam, vous les musulmans, pour vous dans l'islam, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et là, il y en a d'autres qui répondent tout de suite, automatiquement, ils disent, non, c'est pas vrai, dans l'islam, l'homme et la femme sont complètement égaux. Au lieu de prendre son temps pour réfléchir et d'affirmer ce que Allah a affirmé et de nier ce que Allah a nié. Et d'affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé et de nier ce qu'il a nié. Donc tu ne vas pas dire le contraire de ce que le kafir il dit, puis comme si c'est ce qu'il dit c'est nécessairement absolument faux ou absolument vrai. Non. Dans ce qu'il dit, il y a peut-être une partie qui est vraie et une partie qui est fausse. Donc ce qui est vrai, tu dois lui dire oui, cette partie-là, elle est vraie. Mais l'autre partie de ce que tu dis, elle est pas vraie complètement. Il faut nuancer. Non. Donc il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui réalisent pas la différence. Donc la même chose avec les Asha'ira, lorsqu'ils ont vu que les Mu'tazila voulaient imposer des choses à Allah subhanahu wa ta'ala selon leurs principes de logique, eux ils ont dit bon dans ce cas-là nous on va pas imposer rien à Allah, donc on va pas dire que il a une sagesse. Hein? Et le Cheikh il dit il faut leur répondre au Asha'ira en disant non, nous affirmons la sagesse à Allah, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui décidons de ce que c'est cette sagesse là hein? Parce que la raison de l'homme ne peut rien imposer à Allah subhanahu wa ta'ala. La raison de l'homme ne peut rien imposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa na'lamu anna Allah lam yakhluq shay'an abathan. Parce que nous savons néanmoins que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé sans raison ou par divertissement ou par jeu, et qu'il n'a rien légiféré dans sa législation qui serait inutile ou qui serait un divertissement ou un jeu ou sans sagesse, sans raison. Et celui qui pense cela, celui qui pense que Allah aurait légiféré quelque chose pour rien ou sans raison ou de façon inutile ou par jeu ou par divertissement ou par amusement, hein, pour s'amuser, non. Celui-là, il a pensé du mal à propos d'Allah. Et c'est surprenant qu'ils disent ça à propos des Mu'tazila, hein, ou qu'ils disent qu'ils agissent de cette manière avec les Mu'tazila en ce qui concerne la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah, hein, ils sont tombés dans cette erreur-là de vouloir imposer des choses à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ses noms et ses attributs. C'est comme lorsque il nie, par exemple, que Allah soit au-dessus de son trône, ou que Allah ait une main, ou que Allah ait des yeux, ou que Allah subhanahu wa ta'ala ait, soit descendre au dernier des cieux, ou qu'il vienne au jour de la résurrection. Eh bien, dans ces questions-là, ils disent, on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. Et c'est comme si il disait à Allah, « Oh Allah, tu ne dois pas te décrire toi-même de cette façon. » Et c'est comme s'il disait au messager d'Allah, « Oh messager d'Allah, tu ne dois pas parler à propos d'Allah de cette manière. Cette manière ne convient pas. Hein? Cette façon de parler d'Allah ne convient pas à Allah. » A'udhu billah. Donc ils sont tombés dans la même chose que ce qu'ils reprochent aux Mu'tazila. Hein, de vouloir yani, imposer à Allah en se basant sur leur logique des choses. Hein. Dans la sagesse, ils ont pensé qu'ils allaient purifier Allah en disant qu'il n'a pas de sagesse. Allah al-Musta'an. Tandis que, en ce qui concerne les noms et les attributs, eh bien parfois ils nient des noms et des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que yani, ils savent mieux que Allah qu'est-ce qui lui convient. Et donc ça c'est l'exemple de l'égarement des gens de bid'a qui prétendent vouloir défendre la sunna mais sans science. Et c'est comme ça que les Asha'ira ont dévié. Et c'est comme ça que beaucoup d'autres ont dévié également. Même les Mu'tazila, quand ils ont affirmé les noms et qu'ils ont nié les attributs, Ils ont voulu faire ça d'une certaine façon pour refuter les Jahmiyyah. Hein? Mais sans science encore une fois. En se basant uniquement sur leur logique. Donc toute personne qui va établir un système de pensée ou une idéologie par laquelle il pense pouvoir réfuter des innovateurs ou réfuter des kuffars, des mushrikines, des gens qui ont des religions déviées, il veut les réfuter, mais il les réfute sans science. Le résultat, c'est qu'il va tomber lui-même dans la bid'a, et ou bien dans la mécréance aussi, parfois. Et tu vois même aujourd'hui des gens qui se convertissent à l'islam, ou bien qui sont nés musulmans, et qui veulent essayer de réfuter des chrétiens et rentrer dans des débats avec des chrétiens, ou avec des juifs, ou avec des athées, ou avec des gens d'autres sectes et qui n'ont pas la science suffisante et nécessaire pour le faire et qui finissent par la suite à tomber dans l'hérésie ou même dans la mécréance à cause de ça. Et parfois certains sont même tombés dans, ils sont même retournés dans la mécréance du christianisme. Et tu les vois aujourd'hui, hein, ils sont revenus maintenant dans la mécréance des chrétiens et dans le shirk des chrétiens. Et dans les bid'a des chrétiens. Et ils se disent, ils pensent maintenant qu'ils ont retrouvé la vérité. Nasallallahu al-afiyah. Et tout ça, c'est à cause de leur manque de connaissances et de leur naïveté, de leur ignorance, qu'ils sont rentrés dans des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont voulu débattre avec des gens qui sont rusés, qui ont des choubouhats et ils ne savaient pas comment les réfuter. Alors ils sont tombés dans l'égarement à cause de ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est ce qui termine l'explication des versets de Sourate Al-Hashr qu'on a expliqué donc. On a commencé l'explication de ces versets-là depuis quelques semaines déjà. Et donc, Le verset suivant, les versets suivants, ça on va les expliquer, c'est le verset 49 dans Sourate Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres parmi ses actions et parmi ses noms. Et on va laisser celui-là pour le prochain cours. On va s'arrêter donc ici et on continuera pour ce sujet au prochain cours, inshallah. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Ah oui, je voulais juste mentionner en même temps pour ceux qui écoutent sur la radio que le nouveau programme des cours a été mis en ligne sur le site, bon pas sur le site mais sur Twitter, je l'ai posté le nouveau programme et je l'ai mis sur Twitter comme je dis, je vais l'envoyer également sur le site, inchallah la mise à jour va être faite sur le site aussi. Salafi de Montréal. Puis je vais le diffuser, je vais l'envoyer à plusieurs frères sur différents réseaux pour que les gens soient au courant de notre nouveau programme. Donc on a terminé le cours de Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Maintenant, on va commencer le deuxième cours de la soirée. C'est le tafsir de Sourate Al-Baqarah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc, mais avant de commencer, je vais juste mentionner le programme. Je vais juste lire le programme. Inch'Allah. Donc, les cours auront lieu maintenant du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, il y aura des cours tous les jours de la semaine. Et ce sera, tous les cours seront entre Maghreb et l'Isha. D'accord? Tous les cours seront entre le Maghreb et l'Isha. Les cours entre le Maghreb et l'Isha, juste pour vous mentionner, en fait, les heures ici, à Montréal, on fait le Maghreb actuellement à 4h35. Et le Isha, on fait à 7h15. Et ça, je vais vous dire qu'est-ce que ça donne en heure française. Donc, 4h30, ça équivaut à 22h30. Hein? 22h35, ça c'est pour le Maghreb. Et pour le Isha, on a dit 7h15, ça veut dire que ça équivaut à 2h15 du matin. Donc c'est presque dans la nuit là. Donc c'est seulement les couches tard qui vont, les oiseaux de nuit là qui vont pouvoir suivre ça. Mais bon, sinon il y aura toujours les enregistrements, Inch'Allah. Parce que nous déjà ici à 4h là, 4h35, il fait déjà noir. C'est la nuit qui commence.